Chapitre 8e. Mon installation s'effectua rapidement. Un appartement se trouvait libre sur le même palier. Je l'occupai immédiatement. Il fut convenu, à ma grande joie, que nous prendrions nos repas en commun. Les études devaient occuper tout notre temps. En somme, j'étais l'hôte de Georges et ne rentrais chez moi que le soir. Alors commença pour moi une année qui fut toute de délices. J'avais accepté dans sa réalité ce rôle d'élève que j'avais sollicité. Élève à la fois de Georges et de Sita, celle-ci se chargeant plus spécialement de la haute surveillance de mes études. Certes, le Parisien qui eût pénétré à l'improviste dans cet appartement, où deux jeunes gens et une jeune fille passaient presque en totalité leur journée, eût été bien surpris. Auprès de la bibliothèque où se tenait le plus souvent Sita, étudiant des manuscrits, prenant des notes, creusant jusqu'au tuf la science des anciens Ariens. Georges, dans un cabinet où se trouvaient seulement deux bureaux et quelques chaises, me faisait la leçon comme à un écolier. Tout d'abord, il m'avait été imposé d'apprendre l'anglais, non seulement dans son vocabulaire courant, mais surtout dans sa terminologie scientifique et métaphysique. Malgré l'effrayante aridité de cette tâche, je l'accomplissais avec une ardeur joyeuse. Les hindous modernes, m'avait expliqué Sita, comment, dans la langue de leurs dominateurs, les antiques écrits, dont les originaux cachés dans les temples de l'Inde du Sud, ne sont pas encore livrés au public. Il importe donc, pour pénétrer plus avant dans les arcanes de la science sacrée, de comprendre par quelles expressions des langues occidentales ils traduisent les idiotismes philosophiques dont, a priori, le sens peut nous échapper. Et de fait, quoiqu'en 6 mois je fusse parvenu, tant était grande ma persévérance, à lire couramment n'importe quel texte anglais, dès que j'ouvrais une œuvre due à un hindou et traitant des théories bouddhiques, il me semblait pénétrer dans un monde inconnu où tout n'était que nuage. Je compris alors la parole de Sita, alors qu'elle avait opposé à mon désir ma qualité de français. Il y a en nous une netteté de déduction, une mathématique de bon sens, si je puis dire, qui s'accommode mal de la ténuité des argumentations métaphysiques, de la délicatesse du fil qui unit une idée à une autre. Ayant le génie de l'assimilation, il nous manque par cela même la patience des lentes argumentations. À tout instant, il me semblait avoir compris, dans son ensemble, le système cosmogonique et historique des hindous et je l'exposais victorieux dans un flux de paroles qui s'enchaînaient, croyais-je, selon les règles d'une logique inflexible. Alors intervenait Sita. C'était le soir, alors que le travail actif avait cessé, et que tous trois nous demandions à la conversation un délassement à nos silences du jour. Je parlais. Fier de moi, j'entendais prouver que j'avais posé le pied sur le seuil du temple où, dans ma pensée, j'entrerais en triomphateur avec elle. Et voici que d'un mot, Sita me rejetait dans les profondeurs de mon ignorance. Je l'écoutais, ravi même de ses critiques, savourant cette voix qui était ma vie. Labourais-je, j'entendais la mélodie, notant une à une ses finesses, ses rythmes, ses arabesques musicales qui me charmaient et m'enivraient, et de l'autre science je percevais bien peu de choses. Cependant, peu à peu, la lumière se faisait en moi. J'avais franchi un premier pas, car j'avais perdu cette conviction que la science moderne, j'entends celle des occidentaux, science purement matérielle, positiviste, et qui se tient à l'écart de toute spéculation métaphysique, fut le dernier mot de la connaissance humaine. Mon horizon s'était subitement élargi, et j'avais admis la possibilité d'une science plus haute, touchant à la destinée des êtres. J'avais entrevu, non sans quelque effroi, le cycle sublime dans lequel se meut la vie, de la matière à l'esprit, depuis les manifestations les plus grossières, jusqu'à la dilatation la plus infinitésimale, jusqu'à l'unité. Cette science était-elle encore en son enfance, et ne se développerait-elle que lorsque la science purement matérielle aurait résolu sa dernière équation? Je percevais maintenant, en me pénétrant des écrits hindous, l'existence de personnalités mystérieuses, adeptes de la science pure et douées de pouvoir, qui, sans excéder les facultés de l'humanité, en constituent au contraire le développement, mais poussées jusqu'à des limites qu'il ne nous est pas encore donné d'atteindre en l'état de civilisation toute matérielle où nous vivons. Je fus frappé alors de la lumière, jetée tout à coup sur le monde des forces spirituelles, par les phénomènes d'hypnotisme, de suggestion, d'influence des médicaments à distance, que nos professeurs étudient aujourd'hui dans les hôpitaux. Il y avait là pour moi la démonstration éclatante d'une puissance psychique, dont les effets, soumis à l'expérimentation exacte, pouvaient et devaient être formidables. Les adeptes hindous, ceux qu'on désigne sous le nom de Mahatma, sont-ils en possession de la totalité de ces forces, ou n'en ont-ils acquis encore que quelques parcelles? Quoi qu'il en soit, j'avais la conviction qu'il leur était permis d'accomplir tels actes qui, à mes yeux, semblaient des miracles, et qui cependant pouvaient s'expliquer par le développement supérieur de la puissance fluidique ou psychique. Quand je soumis ces idées à Sita, elle s'efforça de m'en détourner. Non qu'elle en nie à la justesse, du moins sous certaines réserves, mais elle me dit « Mon ami, si vous travaillez avec nous pour acquérir la puissance, vous faites fausse route. »« Quel est donc votre but ? » m'écriai-je. « Le bien de tous, » répliqua-t-elle en fixant sur moi ses grands yeux noirs. « Mais ne sais-je pas moi-même que vous possédez déjà des facultés supérieures conquises par votre persévérance ? Ne sais-je pas que vous êtes en relation par une sorte de télégraphie psychique avec les adeptes de l'Inde ? Ne sais-je pas que si quelque communication vous doit être faite, vous êtes averti par le son d'une clochette aérienne ? Ne sais-je pas enfin que certaines lettres, adressées par vous aux Indes, reçoivent leur réponse sans que les délais réguliers, matériels, humains, soient écoulés ? Et n'est-il pas naturel que je désire moi aussi obtenir cette multiplication de facultés ? C'est-à-dire, reprit Sita en souriant, que vous me prenez pour une magicienne, et que vous voulez devenir vous aussi un magicien. Pourquoi non ? En vous rien ne peut être criminel, c'est vertu que de vous imiter et de vous suivre. Et en lui parlant, je m'efforçais de mettre toute mon âme sur mes lèvres. Comprenait-elle l'amour profond que je lui avais voué ? Comprenait-elle pourquoi je me soumettais à cette claustration ? Pourquoi je me rapetissais à ce rôle de disciple auquel on mesure la science, comme s'il n'était pas capable de la supporter ? Pourquoi enfin je voulais, oui je voulais maintenant, posséder cette puissance que je devinais et qui me ferait son égal sinon son maître. Ah, que j'eusse donné ma vie pour la voir à son tour, attentive à mes leçons, témoignée par son attention de son admiration attendrie. Quelle torture c'était pour moi quand je m'épandais en théorie qui me paraissait sublime que de surprendre au coin de sa bouche un sourire amicalement ironique. Ce soir-là, profitant de la familiarité qui peu à peu s'était glissée entre nous, j'insistais. Je lui reprochais son orgueil. Pourquoi ne me croyait-elle pas digne de m'élancer comme elle, comme son frère, jusqu'aux plus hautes sphères de la métaphysique ? Est-ce que je le niais ? Est-ce que je discutais seulement les principes que j'avais acquis d'elle ? Est-ce que je n'admettais pas comme une vérité l'existence d'une force spirituelle indépendante de la forme physique et pouvant, par la méditation, par l'étude, par la volonté, s'épurer de plus en plus ? Est-ce qu'au-dessus de cette forme physique et de cette force vitale, je n'acceptais pas l'existence de la conscience, expression suprême, quant à la créature humaine organisée, de la force psychique liée au corps ? Est-ce que je me refusais à concevoir l'existence de races supérieures à la nôtre, purement spirituelles et s'élevant par une évolution admirable à la fusion de l'esprit individuel dans l'esprit universel et non différencié ? Je disais tout cela passionnément, comme si chaque mot n'avait eu qu'une seule signification, amour, comme si, en déifiant sa science, je l'eusse déifiée elle-même. Et elle ne me répondait pas, s'absorbant dans une méditation qui mettait à son front un pli douloureux. Je lui faisais pitié, sans doute. Je m'irritais alors, je m'emportais. Je l'accusais d'égoïsme et d'insensibilité. Je n'étais plus, après tout, un enfant auquel on fit la leçon, un gamin dont on dirigea les lectures. J'en savais assez maintenant pour avoir droit à la science totale, et je la réclamais, et je l'exigeais. Sita me dit, pas encore. Mais pourquoi, pourquoi ? Elle se leva, me regarda en face et me répondit, parce que vous n'êtes pas bon. Je reculais, foudroyé non pas seulement par ce mot horrible, mais par l'irradiation de son regard qui glaça mon cerveau. Je crispai mes deux mains sur mon visage pour me soustraire à cet effet. Et après quelques secondes, pendant lesquelles il me sembla que j'endurais les affres de la mort, je regardai de nouveau. Elle avait disparu. Georges me prit les mains, s'efforçant de me ramener au calme. Son intervention ne fit que m'exaspérer davantage. Je m'exhalai contre lui en reproches furieux. C'était à son influence que je devais la haine de sa sœur. D'ailleurs, n'était-ce pas un crime que de condamner une jeune fille à ses études arides et sans but? Était-ce là le rôle d'une femme dans la vie? S'il était lui, sous l'influence de charlatans que je ne connaissais ni ne voulais connaître, avait-il le droit de leur livrer l'âme et l'intelligence de Sita? Fallait-il que j'en vinsse à lui attribuer je ne sais quelles ambitions égoïstes pour la satisfaction desquelles sa sœur n'était qu'un instrument? Georges m'arrêta d'un geste. « Écoute, me dit-il, je ne te répéterai pas les dernières paroles de ma sœur. Je vais espérer qu'elle se trompe. Ne me force pas à la croire. Lorsque tu as demandé à étudier avec nous, tu as été soigneusement, sincèrement averti. La science est une arme à double usage, selon les mains qui la tiennent, épée de l'archange ou poignard de l'assassin. Songes-y. Le mythe d'Hercule hésitant au carrefour est profondément humain. Deux routes s'ouvrent devant toi. L'une, la nôtre, mène à la bonté suprême, au bien. L'autre, je te laisse à comprendre où elle conduit. Seulement, souviens-toi que selon la route choisie, tu devras ou nous suivre, ou te séparer de nous.